description du grenier. Lorsqu'Olga entra, elle irradiait une sorte de danger qui fit instinctivement reculer Clara. Depuis l'enfance, elle ne se permettait de pénétrer dans ce sanctuaire que pour des raisons graves. Et Clara n'avait de ces intrusions que des souvenirs violents. Nils n'avait pas bougé. Dans la lumière qui pleuvait de la fenêtre, il se tenait, raide, imperturbable, et portait sur sa mère un regard inhumain. Il ne semblait pas avoir peur. Il ne semblait même pas la haïr. Il avait seulement l'air de la juger, de très haut, de très loin, exhibant sa beauté et la force de son silence à la manière d'un ange guerrier dont le glaive ne connaîtra aucune pitié. Olga passa devant sa fille comme si elle n'existait pas. Il y avait dans son regard une détermination puissante, une détermination qui ne concernait pas Clara, et dont la jeune fille était une fois de plus le témoin pétrifié. Nils suivait sa mère des yeux, sans ciller. « Nils, » commença Olga d'une voix douce, que démentait la violence de son aura, « j'ai regardé dans ton ordinateur. Je sais qu'on t'a ordonné de te remettre à parler. » Elle s'arrêta un instant et crut voir dans le regard glacé qui lui faisait face une lueur de jouissance ironique. « Je voulais simplement te dire que c'est grave. Tu ne peux pas désobéir aux ordres comme ça. Tu sais ce qui finira par arriver. » Nils n'avait manifestement pas l'intention de lui répondre et Olga, déstabilisée comme elle l'était toujours par ce mur, se tourna vers sa fille. « Il faut que tu m'aides, Clara. Il faut que tu m'aides à le convaincre. » La poitrine de Clara se soulevait à chaque respiration, sous l'effet de l'angoisse, et la faisait ressembler à une biche prise au piège. « Je mentirai, s'il le faut, » dit-elle. « On peut toujours prétendre qu'il nous parle. » « Tu ne comprends pas, » dit Olga sèchement. « Ça ne servirait à rien. » Nils ne regardait plus sa mère, maintenant, mais sa sœur, avec une compassion, une inquiétude, qui transperçait Olga bien plus sûrement que les regards froids qu'il lui avait décochés. Elle leva la main, lentement, à la hauteur du visage de son fils. Cette main vieillie, dont la maigreur croulait sous les bagues, demeura suspendue, presque immobile, pendant quelques secondes. « Je n'ose même plus te toucher, » murmura-t-elle en baissant le bras. Il s'était perceptiblement contracté et semblait prêt à s'enfuir ou à mordre. La dernière phrase de sa mère avait encore durci son expression, mais elle soutenait encore son regard. « Tu vas m'écouter maintenant, tu vas m'entendre. C'est la mort qui t'attend si tu continues. Je t'en supplie, Nils, ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi, pour Clara, pour qui tu veux, mais parle. » Il s'ensuivit un silence troublant qu'elle avait réussi à charger d'une attente. Clara regardait son frère au bord du sanglot, confronté pour la première fois depuis plusieurs années à la possibilité de ce miracle qu'elle n'attendait plus. Mais il n'y avait plus d'expression dans les yeux bleus de Nils. Il s'ouvrait sur un vide vertigineux, insoutenable. Olga finit par baisser les yeux et se détourna. « Clara, » murmura-t-elle sans la regarder avant de sortir, « essaye encore si tu peux. »